3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. De retour dans le studio habituel, toujours la fine équipe. Joanie pour vous servir, Choubix pour m'accompagner. Ça y est, je crois qu'on passe aux choses sérieuses, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Épisode 51, déjà 51e épisode de Have a Knicks Week sur KNFTV. Le rendez-vous où on parle de l'actu, le rendez-vous hebdomadaire ou quasiment. Peut-être un des derniers de la saison d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, parce que la saison régulière ça se termine, mais il va y avoir d'autres choses derrière, forcément. Seb, comment vas-tu? Knicks are back, baby. Il y a de la bonne humeur, forcément, parce qu'il s'est passé de... Il s'est passé de bonnes choses. On a notre connexion internet qui est un peu chelou en ce moment. On va essayer de faire comme l'émission comme il faut. J'ai pas trouvé de... Je voulais trouver un chapeau pointu et un mirliton, mais... J'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trop non plus cherché parce que je pense que ça se trouve facilement, mais c'est pas pour la saison, mais on va peut-être. Mais je voulais pas me porter, je voulais pas me porter l'œil non plus, mais en tout cas, ça y est, c'est ça fait. Y est. Les Knicks sont de retour, ou ça, quelque part, et quelque part où, bah, on va en parler juste un instant, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans la semaine passée, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à raconter, est-ce qu'on va réussir à tenir dans le format? Bah, on perd pas de temps, et on lance le jingle. Allez, c'est parti, on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange. Alors, la planète Orange and Blue, bah elle est belle. Pourquoi elle est belle? Parce que ça y est, c'est clinch, comme disent les Américains. Clinch. Voilà. C'est bon, c'est fait, c'est officiel. Les Knicks sont de retour en playoff. Alors, en retour en playoff, il y a eu une petite année de break la saison dernière parce que ça s'est pas passé comme on voulait avec le Bing Bong. Le Bing Bong a fait flip-flop plutôt. Là, cette fois-ci, c'est de retour. C'est fait, c'est officiel. Alors, on n'a pas, à l'heure où on enregistre, la position définitive des Knicks. Est-ce que ça sera 5? Est-ce que ça sera 6? Quoi qu'il arrive, ça peut pas descendre en dessous de 6. Ça ne montera pas à 4, ça on le sait. Mais voilà. Les Knicks sont de retour en playoff. Deuxième saison en playoff, enfin deux apparitions en playoff en trois saisons sous l'ère de Tom Thibodeau. C'est pas si mal finalement. Voilà, on s'attendait on espérait, on l'a vu venir pour un coach claqué, en mesure de la saison. Pour un coach claqué, pour un coach qui tire ses joueurs avec des rotations à 9, hein, c'est pas si mal finalement. Hein. Du coup, content, heureux? Ah bah oui. Ah bah oui, enfin, si tu veux, déjà, au dernier match là, contre Cleveland, j'étais comme un fou parce que pour moi, j'étais persuadé qu'on était déjà qualifié, étant donné qu'on avait le tie-breaker sur Miami. Donc, même si on faisait, si on perdait tous nos matchs, que eux gagnaient tous nos matchs, on était devant forcément. Mais après, visiblement, il y a des histoires de bataille à 3, et si 3 équipes sont à égalité, donc avec Brooklyn. Il pouvait y avoir une histoire après derrière de victoire en division et compagnie, donc c'est pour ça qu'on n'était pas entièrement qualifié. Donc bon, la tension était un petit peu redescendue, et hier quand je vois qu'on affrontait les Wizards sans Kuzma, Porzi et Bradley Beal, je me suis dit attends, on va passer à côté, là c'est une occasion en or de se qualifier en play-off avec la manière et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a été fait, le match à la fin, voilà, on en parlera, mais on a décroché à la victoire. Et puis bah, soulagé, hein. Et voilà, on n'a pas besoin du play-in, nous c'est les play-offs, c'est rien, c'est pas le play-in, non, play-in c'est pour les autres, nous c'est le play-in, c'est pour les autres, mais après la cinquième place, donc là c'est pareil, je crois que si les Nets perdent leur prochaine rencontre, vu qu'on a je crois 3 ou 4 matchs d'avance, 4 matchs je crois d'avance sur eux, bah en fait c'est fait, donc on a un pied trois quarts à la cinquième place, elle est quasiment actée, c'est pas certain, mais sauf cataclysme elle est quasiment actée, donc elle est quasiment actée, donc mais le principal, tout va bien. L'objectif c'était les playoffs et ça c'est cool quoi. Ça c'est cool, ça fait plaisir, on l'attendait, on voulait ce retour, c'est fait, c'est du coup quoi qu'il arrive une saison réussie pour les Knicks. peu importe ce qui se passera pour la suite de cette post-season. Et la post-season, elle va durer, il va se passer beaucoup de choses sur la post-season. On aura le temps d'en discuter très prochainement. Au rayon des choses qu'il faut retenir surtout aussi, c'est que les Knicks sont de retour en playoff, mais c'est que la KNF est de retour en viewing party. On l'a annoncé sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu sur le site internet, vous avez vu les tweets et tout ce qui va bien pour communiquer autour de cet événement associatif. La KNF pour la dernière viewing party, le 82e match de la saison régulière. Ça se passera ce dimanche au Hideout, dans notre salle, dans notre espace privatisé que vous avez déjà pu découvrir en courant de saison. Donc voilà, on vous attend dimanche à partir de 18h30 pour un match qui se lancera à 19h. C'est l'occasion de venir avec les beaux maillots. Hein. Si vous avez du Statement, si vous avez du GB, du RJ Barrett, du Julius Randle, de qui vous voulez, venez saper comme jamais. C'est l'occasion de passer un bon moment, de célébrer, de fêter cette fin de saison. Les deux dernières viewing parties sont des viewing parties victorieuses. On espère face aux Indiana Pacers que ça va bien se terminer. Eux n'auront plus grand chose à jouer. Les Knicks, voilà, ça sera histoire de se roder avant les hostilités. Ils sont éliminés, je crois que ça y est, c'est playoffs. Officiel. Hein. Je crois que c'est officiel, là, ils sont éliminés de tout ouais. Course, hein, ça y est. Hein. J'avoue que c'est plus le plaisir de retrouver les personnes de l'association que le match à proprement parler. Oui, là, ce que je veux dire par là, c'est que comme tu disais qu'il n'y avait plus d'enjeux. Il n'y a pas trop d'enjeux. Il est possible qu'il n'y ait pas trop de comment ça, de match, quoi, dans le sens où ils vont pas. Ça se passera au Madison Square Garden, donc ça sera voilà, l'occasion de finir ça en beauté. Bon, voilà, vous avez l'information, c'est le 9-4, pas le 9-3, le 9-4, le dimanche 9 avril à partir de 18h30. Et puis en plus, le lundi c'est férié, donc il n'y a vraiment aucune raison de dire « Ouais, je peux pas, le lendemain je bosse, tatatata, je vais pas entendre ça ». La dernière viewing party de la saison régulière, peut-être qu'en play-off, si le calendrier favorable, peut-être qu'il y aura de la viewing party. On ne sait pas, on verra. On n'a pas encore tout le détail du calendrier des playoffs. Au rayon des festivités, eh ben oui, la semaine dernière, on commençait aussi bien la semaine avec l'anniversaire de Walt Frazier. Walt Frazier, une légende d'Enix, il n'est plus à présenter. Voilà, donc il a été célébré sobrement. Tout en sobriété, le Walt. Et du coup, bah, vous retrouvez sur la chaîne KNF TV l'épisode qu'on avait consacré, le documentaire Knicks Story, spécial Walt Frazier. C'était l'épisode numéro 1. On avait commencé cette série documentaire avec Walt. Il y aura d'autres épisodes prochainement. Il faut qu'on les travaille, tout simplement. mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, bah, c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu la carrière de Walt Frazier en un épisode d'une dizaine de minutes. Pour les francophones. Allez, on parle un petit peu, un sens un peu plus large de la NBA. La NBA qui a trouvé un accord, ça y est, le fameux CBA, l'accord qui met tout le monde d'accord, entre le syndicat des joueurs, les propriétaires, la ligue, voilà, a été acté. Et donc, pour les 7 prochaines saisons, l'accord a été signé. Il y aura peut-être moyen de revenir en négociation un petit peu plus tôt que c'est cette année, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de lockout dans un avenir proche, et ça, c'est pas mal, parce que les lockouts, c'est nul. Les lockouts, c'est des bagarres un petit peu de riches, hein, de millionnaires contre des milliardaires, et ça nuit à l'image, ça nuit aux fans quand la NBA est en grève. Donc oui, effectivement, les avocats prennent les relais quand il faut négocier tout ça. Bon, il y a tout un tas d'accords, enfin de clauses. On va pas revenir en détail aujourd'hui dessus, on aura le temps un peu plus tard. Donc il y a des trucs très techniques, mais il y a certaines choses, pourquoi pas. Il y en a d'autres, pourquoi pas. Ouais, des assouplissements, donc, des aspects business. Ça dépend le ton qu'on utilise, mais il y a certaines décisions... On verra au long terme ce que ça donne, qu'est-ce que ça dit. Curieux. Bah, il y a deux, trois aspects curieux. On aura le temps de revenir dessus, notamment quand on va parler de free agency, de signature. Il y a pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne devrait pas avoir de lockout dans les prochaines saisons. Et ça, c'est plutôt intéressant. Bon, au rayon des autres choses intéressantes que la NBA nous a gratifiées récemment, eh ben, ils ont mis en ligne sur le League Pass un ensemble de finales, toutes les finales NBA des années 90. Et bah, heureusement, les Knicks ont fait deux apparitions sur cette décennie-là en 94. Vous le savez, on connaît le résultat contre les Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. Une conclusion un petit peu qui déchire le cœur. Les Knicks étaient tout proches d'un titre, mais voilà, Stars. tout proche, ça ne le fait pas. Est-ce qu'il doit prendre le tir? Est-ce qu'il doit passer à Ewing? Ah là là. Des what if, en veux-tu, en voilà, avec les Knicks, on est toujours servi. Et en 94, il y en a avec cette finale. Et en 99 aussi, une autre génération, une autre bande de Knicks qui ont été fêtés comme Finalement des héros, mais moins pas de happy disputé. end. Final un peu moins disputé. Moins disputé, c'est plus le parcours en playoff Ouais. qui a été Ah bah héroïque que le les parcours en finales. playoff est légendaire. Enfin, moi je sais que l'équipe 99, c'est elle qui m'a fait aimer les Knicks, quoi. Et Beaucoup en fait, ouais, de enfin, Knicks fans, ouais. ouais, c'est ça. Et à jamais l'équipe 99 dans les cœurs, quoi. C'est tout le parcours qui est gigantesque, quoi. C'est le premier tour contre Miami où tu fais l'upset de malade. Bon, après, voilà, tu chopes Atlanta, tu les défonces 4-0, il n'y a rien à dire. Et puis, après, la bataille contre Indiana, voilà. Comme tu dis, le 3 plus 1. Enfin, voilà, tout le parcours est génial. Épique, c'est épique, c'est épique. Je crois que c'est le match 4 ou le match 5, justement, dans la New Stone contre Reggie Miller où il le pulvérise. Enfin, voilà. C'est le storytelling en Quand plus on qui dirait va Knicks, et bien, c'est vrai ouais. que t'en faisais mention dans un tweet où tu disais quelque part, c'est marrant que c'est pas le champion de cette année qu'on se souvient le plus, c'est pas les Spurs, mais c'est plus les Knicks. Alors peut-être que dans le cœur d'un Knicks fan, c'est possible. Je sais pas si dans la mémoire collective d'un supporter de la NBA, enfin d'un fan de la NBA, c'est ce qui retient. En tout cas, dans le souvenir d'un Knicks fan, l'équipe 99, elle a une place toute Elle particulière a dans les une cœurs, quoi. place, elle a vraiment une place dans les cœurs, parce que voilà, elle avait du cœur, elle avait pas forcément le plus de talent, mais elle avait du cœur et elle a été se hisser jusqu'en finale. Et voilà, ces finales sont à revivre, à revoir si vous le souhaitez gratuitement sur le League Pass pour ceux qui sont bien sûr abonnés au League Pass. Bon, allez, transition d'anciens aussi, mais transition un petit peu actuelle avec les nominations des meilleurs teammates. Des meilleurs teammates pour le Teammate of the Year Award, voilà. Où on retrouve qui donc? Derrick Rose. Bah ouais, Derrick Rose, voilà, on l'oublie pas, il était bien placé dans les votes pour le All-Star, bah il est bien placé dans les nominations pour les meilleurs teammates. Alors ouais, forcément, il n'a pas fait de vague, forcément, on l'a plus trop vu jouer. Est-ce que c'est lui qui va repartir avec le Award? Bon, j'avoue, je pense pas trop, mais voilà, c'était à noter que Derrick Rose, bah il a encore des mentions, il a encore C'est une quoi en cote fait d'amour dans la ligue, quoi. Sur quoi ils se basent en fait? Ils ont interrogé les joueurs des franchises. Je ne sais pas. C'est qui ton meilleur coéquipier? Dans chaque franchise, on donne un base ou ça se fait en fait au doigt mouillé? Comment ça se passe? On n'a pas les coulisses justement de ces nominations. Après, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont nommés. 1, 2, 3, 6, 12, 10. Il y en a 12 effectivement. Donc c'est pas Non, je t'aime l'ensemble pas. des franchises. Mais voilà, c'est marrant de voir que Derrick Rose est le teammate qui ressort. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Bon, ça c'était pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, il y a aussi une mauvaise nouvelle cette semaine. C'est la blessure de Julius Randle. Aïe aïe aïe, blessure de Julius Randle, car t'en reviens jamais au meilleur des moments. Sur le Pour un match, mec qui se on blesse verra sur le jamais. match. Ouais, qui faisait des grosses saisons complètes avec Alors, beaucoup de minutes. le diffuseur, la MSG, lui a porté l'œil. Hein, je tiens à le dire parce que juste avant, en fait, ils font, tu sais, leur petite question pour gagner un truc. Ouais, Et donc, le quatrième c'était, trivia. et c'était ouais, quel joueur a jamais raté en fait, un match en saison régulière? Parce que Julius Randle, il est sur tant de matchs sans blessure. Et peut-être même pas 10 minutes après, boum. Crac, la cheville qui tourne. Bon, c'est dommage, c'est embêtant, c'est pas cool parce que forcément, comment dire, c'est un joueur important aujourd'hui dans le dispositif des Knicks, Ah ben c'est qu'on un l'aime All-Star. ou qu'on le l'aime pas, hein, ça, voilà, c'est un All-Star, on en a parlé, il a un rôle qui est primordial au niveau de la bonne saison des Knicks. La blessure, elle intervient. Bon, c'est pas la faute de Thibodeau qui a trop tiré sur la corde. Non, c'est une cheville qui tourne sur un rebond, sur un pied qui se met Oh. sur le pied de Bam Adebayo, je vais y arriver, Bam, Bam, Bam, lors d'une lutte au rebond. Bon, dommage, on l'a vu grimacer plus que d'habitude. Il a été quand même shooté son lancer franc, il est reparti au vestiaire après, on s'est dit J'ai bon. pas l'impression qu'elle avait beaucoup tourné, tu vois, là, cheville par rapport. Tu vois, hier, t'as Josh Hart, pareil, tu sais, t'as sa cheville qui tourne. Et là, par contre, pour Josh Hart, j'ai l'impression qu'elle avait plus tourné, tu vois. Ah, sur Josh Hart, c'est pas sur un contact, c'est juste bah, il s'en met les pinceaux et il se casse la figure. Alors que. Ouais, mais tu vois la cheville aussi qui vrille. Oui, bah une cheville qui tourne, quand on a fait du basket, on sait que ça peut arriver un peu à différents moments et que ça peut faire mal. Après, Julius, c'est aussi comment dire, un gros gabarit. Donc effectivement, les chevilles qui tournent et le poids du corps qui appuie, sur une lutte au rebond en plus, t'es pas dans le même type d'effort que sur. Tu repars, on va dire, pour une course en contre-attaque. Voilà. Donc malheureusement, il est annoncé 2 semaines avant d'être réévalué. Donc ça devrait nous amener tout juste au début des playoffs, premier tour des playoffs. On sait qu'il y aura un playoff. Est-ce qu'il y aura Julius Randle pour le Game 1? À voir, parce que réévaluer, ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite apte à jouer. On l'a vu avec une botte médicinale, la botte de médecine, là, bref, une botte de protection sur le dernier match au Garden. Bon, à voir. Il y a peut-être aussi un petit peu de bluff dans le sens où on veut le reposer, on veut lui laisser le temps de se remettre. C'est qu'une cheville qui a tourné. Est-ce que les ligaments ont été touchés ou pas? On n'a pas vraiment plus de détails. Voilà, c'est S'il y forcément avait une eu un, a... absence qui S'il y était avait là. eu un arrachement ligamentaire ou un arrachement osseux, ça aurait pas été 2 semaines, hein. Oui, voilà. Donc voilà, au niveau de la communication, on va pas extrapoler par Ils ont rapport à dit que cette c'était une communication, simple, mais. ils ont dit que c'était une simple entorse. Donc bon. Ouais. Après, c'est marrant parce que voilà, ça va permettre de donner des opportunités à d'autres joueurs. On l'a vu déjà un peu au niveau de Obi Toppin. On voit un jeu qui va évoluer, on va en parler par rapport à l'absence de Julius. Mais c'est marrant parce qu'il y a toute une sorte de bienveillance de pas mal de fans. Et tant mieux, on ne se réjouit pas d'une blessure. Mais voilà, là où Julius Randle était critiqué, où son body language, où ses techniques, tout ça, il vivait une période un petit peu compliquée encore ces derniers temps. Bah, son absence fait tout de suite réaliser que c'est un élément important dans la rotation et dans le succès des Knicks. Alors oui, on n'aime pas son jeu. Il y a de l'isolation, il y a un côté forceur, il y a un côté voilà, un peu bourrin parfois dans son jeu. Mais c'est aujourd'hui un élément vital sur la bonne saison des Knicks. Et les Knicks ne pourront pas aller loin en playoff s'ils ne peuvent pas disposer d'un ou deux leurs meilleurs joueurs de la saison. Donc ça, voilà, faut pas se faire d'illusions. C'est une blessure qui tombe pas bien. Ça va peut-être permettre de le Non, reposer, mais. hier, j'ai lu sur Twitter en disant oui, on joue doux, on joue 2 fois mieux sans Julius Randle. Ah, d'accord, bon, ok. Bon, je sais pas si le Twittos avait vu beaucoup de matchs des Knicks, mais dire que sans, comme tu dis, un de tes meilleurs éléments, tu joues 2 fois mieux sans lui. Bon, C'est différent, je. c'est différent. Bon, on va en parler quand on va parler des matchs. Et donc, petite coupure. Mais oui, voilà, un autre joueur qui n'est pas forcément dans la meilleure forme du moment, c'est notre ami RJ Barrett. RJ Barrett, en termes de jeu, c'est compliqué. Il y a de l'irrégularité. On l'a vu poser avec Marco Materazzi. Pas forcément un très très bon souvenir pour les Français. Et on a vu le tweet un petit peu plein d'humour d'Evan Fournier. Mais surtout, voilà aussi, il y a eu la petite altercation avec Obi Toppin. Alors quand c'est Julius qui s'embrouille à répétition, faut le rappeler, avec ses coéquipiers ou avec les arbitres, avec toute la terre, ça fait tout de suite le feu sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Quand c'est RJ Barrett, bon, c'est pas grave, c'est deux jeunes qui ont envie de gagner. Voilà, il y a un petit peu un regard différent. Après, il est vrai que RJ Barrett a pas cette régularité dans les dramas qui entourent les Knicks. Fort heureusement, mais c'est un petit peu révélateur de la mauvaise passe dans laquelle il est en ce moment. La frustration. La frustration, le fait qu'il se fasse un peu manger ses minutes par du Josh Hart, par du Grimes parfois, qu'il finisse pas les matchs. Bon, voilà. RJ, c'est pas meilleur Knicks du moment. Non, On aura le temps de mais rouvrir le RJ, dossier. comme je disais, RJ, j'en avais fait un petit apart sur la dernière vidéo. RJ, le problème, c'est que il a quand même un déficit de skills offensifs flagrant, quoi. Je veux dire, on le voit. Au dribble, il fait rarement la différence sur le dribble. Il a pas beaucoup de moves, que ce soit au poste. Alors oui, il va arriver à finir un drive parce que il absorbe des impacts en l'air et c'est vrai qu'il a quand même voilà ce côté athlétique dans son jeu. Mais son tir, ça va, ça vient, il n'a pas de pull-up. Je te disais, donc son jeu au poste, il n'a pas de fade-away, il ne peut pas trop. Je pense qu'il faut arrêter de dire toutes ces choses-là parce qu'on va pas réussir à en faire quelque chose ou à le vendre ou Ouais, quoi que ce soit. Mais... c'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il en est bien conscient de ça, il doit lire aussi les critiques. Et forcément, pour un joueur qui a signé un gros contrat cet été, choisi en troisième position d'une draft, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. On est New York. Forcément, il y a cet aspect aussi à prendre en compte. Il y a tout ça. Et cet été, son nom a été mis sur le marché. On se rapproche à nouveau nouvel été. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui font que RG, à ce moment, il se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il s'en pose trop des questions. Ça cogite et on voit. Des fois, on dit le groupe vit bien. Ben là, on sent qu'en ce moment, RNG, c'est pas trop ça. Bon, après, avec Kobe, ils se sont fait un câlin. À la fin du temps mort, ils sont allés, Ouais, machin. mais c'est. Voilà, c'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il y a de la tension, il y a de la pression, Bien il y a de la sûr. frustration chez RJ Barrett. Il sait qu'il est attendu et il souffre peut-être aussi un petit peu de la comparaison de ses autres teammates. On pense à Quickley, on pense à Brunson, qui eux, en ce moment, sont vraiment dans la forme de leur vie. Brunson. Qui bat son record encore hier une nouvelle fois, 48 points. Ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Quickley qui est en discussion. Alors, Brunson, on dit pourquoi pas, est-ce qu'il sera MIP? Il n'a pas été All-Star. C'est vraiment, on le voit, Quickley une qui a fait erreur de ne pas deux avoir bonnes semaines, voire même trois bonnes été semaines là All-Star. maintenant. Voilà. Est-ce Trois qu'il va peut-être excellentes. pas. Il pourrait être joueur de la semaine. Hein. Attention à scruter parce qu'avec un bilan rempli de victoires, un record en carrière, voilà, ça pourrait être encore une nomination pour Jalen Brunson en tant que joueur de la semaine dans la conférence Est, surtout avec des adversaires réputés coriaces. Et puis Quickley, pareil, Quickley Ah ouais, qui excellent. performe des deux côtés du terrain, qui apporte ce coup de boost dont on a besoin quand il sort du banc, ou même dans le starting five quand il y a des absences. Et puis lui, Quickley, on en parle pourquoi pas comme étant un favori, faut dire les termes, un favori pour le titre de Bien sixième homme sûr. de l'année. Donc voilà, il a des arguments. Alors Ah mais certains vont me ils dire... sortent de 3 semaines incroyables là, hein. Franchement, un Ouais. magnifique. Rien Tout à à dire. fait. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il a eu peut-être un début de saison un peu poussif. 20 matchs. Qui... 20 matchs pas Voilà. terribles. Un gros quart, un premier quart qui était compliqué, mais comme l'Enix au sens large, l'équipe au début a mis un petit peu de temps à monter en régime, à s'acclimater aux nouveaux joueurs, même si Brunson, lui, a tout de suite pris les rênes de l'équipe. Mais des Hartenstein ont eu des passages un peu compliqués, Quickley c'était un peu compliqué aussi. Il a fallu un peu équilibrer tout ça, trouver le rythme. Et puis là, il est en train de finir la saison en boulet de canon. Oh, Et lui, par contre, le magnifique. body language ne trahit pas. Le gars, il kiffe, il fait kiffer. Et tout le monde est content. Donc, est-ce qu'il se Ah dirige ben droit vers c'est. le titre de sixième homme de l'année? Il a gagné Mais il a des arguments. là le cœur des. Déjà qu'il était très apprécié, mais là il a enfoncé le clou. Enfin je veux dire, c'est le chouchou du Garden, IQ. Ouais. T'as lui et Josh Hart parce que bah, forcément à New Oh, York. il y a pas mal de joueurs qui font kiffer, Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à New York, on aime bien aussi les mecs qui mettent le cœur sur le terrain et qui sont prêts voilà, à se jeter partout. Et c'est vrai que bah, c'est ce qu'il fait. Et en plus de ça, actuellement, enfin, il a une adresse, une superbe adresse. Je trouve que lui, contrairement à RJ, il a étoffé son jeu. Je veux dire, désormais, il fait plein de choses sur le terrain. Que ce soit défensivement, il est là, il est présent, c'est une teigne. Offensivement, il peut shooter à 3, il arrive à pénétrer, il arrive à varier le jeu, il fait des passes. Enfin, on a assisté là à l'éclosion de, je trouve, de IQ. On l'avait vu sur un panel de 10 matchs en fin de saison dernière où bon, on jouait plus rien, mais il avait été très bon lui et Obi, ils avaient été très bons, notamment il avait fait deux triple-doubles à IQ. Et on se disait, tiens, mais dans des matchs en jeu, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que IQ va arriver à reproduire ce genre de performance? On l'a Et vu cette saison. On l'a vu là, cette on l'a. saison à Boston, enfin Et là, sur pas mal d'affiches. c'est Ouais. ça. Et là, sur des matchs déterminants en fin de saison, parce que ben, il y a une place en playoff qui se joue, parce qu'on a deux grosses teams derrière qui lâchent pas le mollet, donc il fallait garder la cadence. Et ben, IQ était là, était présent et était décisif. Donc, franchement, voilà quoi. On a assisté vraiment, c'est la révélation de cette année. On savait son talent. on ne savait pas comment il allait évoluer. Pour moi, IQ, c'est la révélation de cette année des New Orleans. Alors donnons-lui le titre de sixième homme et on n'en parle plus, Mais bien histoire sûr! de couronner. Moi j'entends parler de Malcolm Brogdon, j'entends parler de qui Oh, d'autre? ben De non. Malik Monk. Ok. Mais il y a plus de matchs aussi joués pour IQ. Hein. Il a peu ou pas loupé de matchs, là où Brogdon a loupé quelques matchs. Après, il n'y a pas le même Après, collectif, il n'y a j'espère pas la que. même influence dans le jeu. Ouais, et j'espère juste qu'ils vont pas prendre trop en compte, parce que c'est vrai que des fois, c'est pris en compte les matchs en tant que starter. Et j'espère Oui, qu'ils. parce qu'il en a eu plus forcément que Brogdon, de par le fait qu'il y a eu des absences de Brunson et qu'il a répondu présent à ce moment-là. Il a eu plus de temps de jeu à ce moment-là, il a fait plus de stats à ce Voilà. moment-là, Donc ce qui j'espère se que. comprend. Voilà. À Je sais voir, mais que en tout cas, il est dans la ce sont des choses course. qui se posent. Ça peut être des éléments qui sont en compte. Bon, on a un petit souci sur la connexion internet. J'espère que l'audio sera bien passé. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent entrer en sa défaveur. Jalen Brunson. Et après, on enchaîne sur les matchs. Voilà. Qui pourquoi pas, pourrait être joueur de la semaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait la couverture du dernier Slam Magazine. Et ça, c'est pas rien. Parce que c'est un magazine qui a fait sa réputation, sa référence sur la scène basket. On avait eu l'année du Weir. RJ Barrett et Julius Randle, qui étaient de nouveau bankable, fun, enfin appelez ça comme vous voulez, sexy, pourquoi pas. Et ben là, c'est Jalen Brunson tout seul, comme un grand. It was written, c'est le titre de la couverture. Et il y a une petite, il y a quelques interviews vidéo, il y a quelques interviews, forcément un article pour ceux qui pourront se procurer ce numéro. Mais voilà, c'est une forme de reconnaissance dans la ligue. C'est un visage qui aura marqué cette saison et forcément avec toute la caisse de résonance de New York. Voilà, il a passé un cap, il a passé un gap, il s'est émancipé, il a signé un beau contrat, c'est sûr, et pourquoi pas, il aura des awards, et on va le retrouver très vite au printemps. Bah, c'est-à-dire que tu gardes quasiment, enfin oui, tu gardes ta même équipe entre celle de l'année dernière et cette année. Hein, voilà, tu as rajouté, comme tu dis, hein, JB et Hartenstein. Donc tu gardes la même équipe avec les mêmes rotations quasiment. Enfin voilà, Kemba, les joueurs arrivés l'année d'avant ne jouent plus cette année. Kemba est parti, Evan est benché. Bon, mais tu gardes la même équipe. Tu finis 11e l'année dernière et avec lui en plus, tu finis 5e. Je pense qu'on va finir cinquième. Tu finis cinquième. Bon, je pense que quand même, C'est on pas peut mal. dire qu'il a sacrément changé l'image de la franchise, tout à fait. Ça fait un gap de plus 6, donc il a apporté un côté de winner, une attitude de gagnant. Donc on verra jusqu'où ça va, mais en tout cas, clairement, Clutchitude. une signature clutch. Des perfs, voilà, on a parlé de son record cette semaine, record en carrière. Il a apporté du scoring, c'est certain. Alors, c'est pas le plus gros des passeurs, c'est sûr. Mais voilà, il apporte une menace. Il a apporté aussi énormément de sérénité à Julius Randle quand les deux peuvent jouer ensemble. On l'a vu, quand il n'est pas là, Julius, il est un peu plus sensible, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il apporte à plein de niveaux sur le terrain. Et cette semaine, donc du coup, on avait 4 matchs. On avait 4 matchs. Ça commençait par la réception des Houston Rockets. Bon, voilà, on savait que cette équipe, elle n'est pas forcément évidente à manœuvrer parce que ça joue un peu dans tous les sens. C'est un jeu décousu. C'est assez athlétique. Les Knicks n'ont pas forcément très bien démarré cette rencontre. Mais voilà, au final, ça s'est Une terminé doucement mais mi-temps, sûrement une en mi-temps. blowout. Hein. Mettre en jambe et une mi-temps se mettre en jambe et puis après voilà, ça a déroulé quoi. Ça a déroulé, voilà. Donc ça, c'était intéressant de voir un match, voilà, qu'on sécurise. Il n'y avait pas de retour de Brunson. Hein. Brunson est revenu pour le match suivant, mais voilà. En tout cas, une victoire. On va pas épiloguer dessus, qui était attendue. On l'avait pronostiqué en victoire. On s'était dit bon, on sortait d'une semaine de 3 défaites. C'était pas cool. Il fallait réengranger un petit peu des victoires. Et Houston, ça arrivait au bon moment. Retour à la maison. Fallait la prendre. Une victoire 137 à 115. Donc en termes de points, ça a scoré. C'est aussi une période où on peut en parler un petit peu et on va en parler en fil rouge sur toute la semaine, où on a retrouvé du Quentin Grimes bien meilleur, bien plus appliqué, bien plus offensif aussi, qui prend plus de tickets shoot, qui s'était Plus effacé un peu adroit. pendant un moment. Voilà, on retrouve un Quentin Grimes Il hésite moins. Ouais. Rayonnant et puis avec son poignet toujours déterminant quand il faut artiller de loin, ça dégaine vite. Et puis la défense qui n'a jamais fait défaut à Quentin Grimes. Donc là, on l'a retrouvé encore à son aise sur ce match-là. Hartenstein, intéressant aussi. Une belle connexion entre les Ah, deux. on en reparlera un peu plus tard d'Artenstein, mais il y a des choses à dire, et notamment, je pense, de sa gestion par Thibodeau. Oui, où on le voit un petit peu prendre plus de temps de jeu que Mitch Robinson. Bon, Mitch, calme-toi, relax. C'est pas le moment de faire le foufou sur les réseaux sociaux. Relax. Mais voilà, en tout cas, le pivot backup, des fois, qui fait bien mieux que le pivot titulaire. Bon. Donc ça, c'était le premier match. Une victoire tranquille, qui a mis un peu de temps à se dessiner, mais qui s'est bien dessinée. Ensuite, réception du Miami Heat. Quatrième acte de la saison, l'Enix menait 3-1, enfin 3, bloop, menait 2-1 avant ce match. Là, c'était la quatrième manche. Il y avait quand même un petit peu d'enjeu parce que, oui, Miami essaye de recoller du bon côté du play-in, à savoir plutôt côté 6 que côté 7. On les avait rencontrés il n'y a pas très longtemps, c'était juste la semaine dernière. Jimmy Butler avait fait mal avec tous ses lancers francs. Là, c'était un peu plus compliqué. C'était encore une fois un match accroché. C'est toujours des matchs accrochés contre le Bien Miami Heat. sûr. Il y a la fameuse cheville de Julius qui tourne. Mais Ouais. il y a le fameux Jalen Brunson qui est de retour aussi. Et puis Quickly qui est toujours Surtout le là. IQ game. Surtout le IQ game. Surtout IQ qui fait toujours des étincelles dans la défense, dans les défenses adverses. Un joueur qui est un peu insaisissable. Et qui a réussi encore une fois à tirer son épingle du jeu sur ce Bon, match-là. après, voilà. Est-ce que t'as d'autres souvenirs particuliers sur la rencontre du Heat? Déjà que je l'avais pronostiqué, déjà. Genre. Attends, et toi, quand tu pronostiques des games improbables, t'es le premier à dire, attends, je l'avais pronostiqué. Bien sûr. Non, mais effectivement, Donc, c'était un non, match qui était à enjeu et qui n'était pas ce évident. que je voudrais souligner, c'est que donc Jalen Brunson revenait sur ce match. Il a été un peu en difficulté. On l'a senti que c'était un match de reprise et qu'il était moins dedans. Et Thibodeau l'a pas fait jouer quasiment très peu en seconde mi-temps. Et notamment Au quatrième quart. tout le dernier quart, il ne joue pas. Et c'est les jeunes qui étaient présents sur le terrain et qui ont fait le job. Je veux dire, c'est la ligne IQ, Grimes. Art. Josh Hart, Hartenstein Et RG un peu. et RG qui finissent le job. C'est eux qui jouent quasiment presque tout le dernier quart. Et le jeu était sympa à voir jouer. Il y avait de la grinta, il y avait de la bagarre, il y avait de la défense, il y avait de l'inventivité offensive. IQ jetait le ballon comme ça rentrait, en fermant les yeux, ça rentrait. Enfin, ce dernier quart était vraiment exceptionnel et puis surtout c'était un match hyper important pour notre dynamique, pour arrêter la leur de dynamique et pour avoir le tiebreaker et quasiment pour ça nous qualifie presque en playoff même si c'était pas fait officiellement. Donc ce match à tous les points de vue, dans tous les aspects était d'une importance capitale et puis les joueurs ont répondu présent, surtout que tu finis voilà ton dernier quart face à une équipe qui faut qu'elle gagne, donc Miami, il fallait qu'elle gagne, et tu finis ton dernier quart sans tes deux gars, sans tes deux gros gars, et tu Ouais. fais le job, quoi. Grosse perf Ah ouais. collective et avec la manière. Super match. Et puis, bon, et forcément que quand Jimmy Butler a pas 25 lancers francs, il peut chouiner, il peut faire semblant de. Il peut charrier Julius Randle, mais lui, quand il les a pas, il tape pas dans la main de Josh Hart en fin de match. Et puis il repart la queue entre les jambes, quoi. Donc voilà, C'est exactement ça. c'était une belle victoire, un beau match, une belle victoire. Et au final, c'est Kylori, hein, il faut le dire, qui est venu Oui. serrer la main de Josh Hart. Donc on sait maintenant à quoi sert Kylori. C'est un ambassadeur du Heat, même si c'est plus un All-Star. Bon, voilà. Match suivant, un autre match forcément très attendu. Là, c'était déplacement dans Non, l'Ohio, alors celui-là, chez les Cleveland Cavaliers. Donc là, on savait qu'on n'avait pas de Julius Randle. Ah ouais, Il fallait celui-là. que, voilà, il fallait attendre 2 semaines avant de le retrouver, alors qu'on a perdu Seb. Hop, hop, hop. Non, non, celui-là. Obitopin titularisé. Bon, ok, c'est mignon, mais il fallait aller le chercher quand même. Et c'est un match qui a démarré en mode, voilà, un mode fou All-Star. parce que Donovan Mitchell qui met panier sur panier inarrêtable. JB, Jalen Brunson qui enchaîne Pareil. la dragée haute, hein, qui arrête pas d'enchaîner les paniers. Et voilà quoi. Et c'est ce fameux match où Jalen Brunson va faire son record. Alors il est à 33 points à la mi-temps, si je dis pas de Ouais, bêtises. 33 ou 31, ouais, mais il est au-delà des 30, c'est sûr. Mais non, 33 à la mi-temps. Voilà, donc c'était un match offensif. Et moi, je n'étais pas forcément très rassuré quand j'ai vu un match offensif parce que ça réussit pas forcément aux Knicks sur la longueur. Et ben là, finalement, si, ils ont réussi à garder ce haut niveau de réussite. Alors c'est Et surtout, forcément le c'est que premier match sans Julius. Ça joue avec un jeu différemment, il y a moins d'isolation, c'est sûr. Mais voilà, Brunson, phénoménal sur ce match, hein, phénoménal. Et la seconde mi-temps qu'on fait. La seconde mi-temps qu'on fait défensivement, je crois qu'on les maintient, je crois qu'ils marquent à peine 40 ou un peu plus de 40 points. Enfin, on fait une seconde mi-temps de malade, quoi. On les étouffe et ils avaient la même réussite qu'ils avaient. On a un Spida qui a aussi un peu décliné dans son niveau de deuxième mi-temps. Et puis on prend cette victoire. Ce match était très bien aussi, c'était très beau. Enfin, la deuxième mi-temps est une masterclass, quoi. On fait. Et on a un Josh Hart, un Nyjahr et un Hartenstein qui a été à ce match-là magnifique. Vraiment, une super performance. Fallait s'y attendre. Enfin, s'y attendre. Fallait la voir venir. Très clairement, on l'avait pas pronostiqué, que ce soit toi ou moi, comme étant une victoire. On ne savait pas non plus qu'à ce moment-là, on aurait à jouer sans Julius Randle. Donc voilà, c'est une victoire qui est très symbolique sur plein d'éléments, sur plein d'angles de vue. Déjà, c'est une victoire à Cleveland. Voilà, donc ça veut dire que même si. Je ne sais pas, par hasard, si on doit affronter cette équipe avec un désavantage du terrain, bah, on a su gagner cette saison à Cleveland. Au final, c'est un bilan de 3 victoires, une défaite contre les Cavs. Donc ça, psychologiquement, il y a un avantage. Alors après, il faut le relativiser. La On saison l'a eu contre régulière, ça reste de Atlanta. la saison régulière. On l'a eu il y a 2 saisons contre Atlanta et on a su comment ça s'est passé à la fin, très clairement. Là, sur ce match, il n'y avait pas Jarrett Allen, il n'y avait pas Isaac Okoro. Donc ça permettait aussi d'avoir peut-être moins de présence défensive, à voir, parce que Evan Mobley c'est très bien, mais si tu rajoutes Jarrett Allen à côté, c'est Ouais, plus tout à fait la même non, non, c'est musique. pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, Donc c'est à pas relativiser, c'est pas parce que pareil. les Knicks viennent de s'imposer là à Cleveland en saison régulière, dans un duel, dans un bras de fer, dans un mano à mano avec Donovan Mitchell, que la série de playoffs qui se profile sera du même acabit. Mais c'est mieux d'avoir cet avantage que Oui, d'avoir. c'est pas parce bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on a fait 3-1 sur la série, sur l'ensemble de la saison régulière, que c'est bon, c'est gagné, ça va être une formalité. C'est une énorme équipe, Cleveland au complet. C'est une énorme équipe. Eux aussi, je veux dire, ils ont réussi leur été en faisant venir Donovan Mitchell. Et ça s'est traduit par une quatrième place. C'est pas gagné cette série. Si on venait qu'à les affronter, c'est loin d'être gagné. Ce sont eux les favoris. Ce sont les favoris, nous on sera les outsiders. Si on le fait, c'est très bien. Si on le fait pas, moi ce que j'aimerais c'est qu'on fasse bonne figure. Mais c'est pas parce que si on venait qu'à ne pas remporter cette série que c'est raté ou que c'est quoi que ce soit. Cleveland est une très grosse équipe, est une très belle équipe. Oui, et là ils n'étaient pas au complet, donc attendons de voir. On sait aussi que quand on aura Julius Randle, le jeu sera différent, la circulation de balles sera différente, la façon de défendre pour l'équipe adverse sera différente. Donc voilà, ne tirons pas des conclusions hâtives. Clairement, cette victoire, c'est très bien, ça permet d'avoir un avantage psychologique, mais cet avantage psychologique, si tu es à 0-2 au bout de 2 matchs à l'extérieur, tu peux Oui, t'asseoir non, non. dessus. Donc voilà. Et pour finir cette semaine, donc on était sur 3-0. Bon, là, les Washington Wizards, sans Bradley Beal, sans Kristaps Porzingis, sans Kyle Kuzma, bon, ça devait être une victoire facile. Ça a mis un petit peu de temps à se On s'est fait peur, dessiner. Hein, Corey Kispert, qui était plutôt en adresse, qui n'arrêtait pas de voir l'arceau comme une bassine, mettait tout dedans. Voilà, il a fallu s'accrocher. On avait aussi là Tonton un Tarot, match. 4 sur 5. Ton tour de tâche, bah oui, parce qu'il y a toujours au moins un joueur adverse qui va prendre feu à 3 points. Et là, cette fois-ci, c'était Gibson qui connaissait bien le Madison Square Garden. Là, il faut le noter, c'est un match où RJ Barrett, il était malade. Donc, il n'a pas joué RJ Barrett. Et on a donc une line-up, un starting five inédit avec du Brunson, forcément, Grimes, Quickley, Obi et Mitch Robinson. Donc voilà, c'est pas la composition habituelle. Ça a voulu jouer vite, ça a voulu chercher des alley-oops et ça a perdu quelques ballons. Donc ça a mis un peu de temps Ouais, par moment, ouais, c'est... à se lancer, mais au final, c'est une victoire. De toute façon, Washington n'avait pas vraiment d'intérêt à gagner, même s'ils se sont bien défendus. Ils n'avaient Oh, pas la fin d'intérêt à de perdre non match, là? plus, mais. La fin de match, ils font... On est bien, on est à 18, 20 points, on se dit, On bon, se allez, c'est relâche, ouais. bon, quoi. Et là, d'un coup, ils nous font une série de 10 points, boum! Et là, je me suis dit, non, mais attends. On peut pas laisser passer la qualif en playoff à ce moment-là. Là-dessus, c'est pas possible. Et puis non, derrière, on se reprend. Hartenstein nous fait un noir. Allez, c'est bon, c'est plié. Terminé, bisous, et en playoff. Voilà, c'était... Non, Et on a heureusement. fini le game. Heureusement. À noter que dans cette composition, on a pu voir aussi apparaître un petit peu Evan Fournier. Bon, il n'a pas été clairement dans les Non. meilleures dispositions, en manque de rythme évident, en manque de compétition. Il fallait rien Là, attendre de... non, mais voilà, il a eu ses quelques minutes, je ne sais plus combien au final. Ça n'a pas Il a été un joué passage hyper fameux. Bon. fin second quart et puis je prends la plus rapide. Ouais. On a mis aussi du temps avant de revoir Obi Toppin. Il a à un moment donné, on voyait plus Obi Toppin. Bon, Obi Toppin a fini comme le match. Et au final, on a, il faut le noter, 4 joueurs, c'est pas rien, 4 joueurs à plus de 20 points sur cette rencontre. Grimes qui était en adresse, Quickley qui était, voilà, il nous a À fait du plus de 20 Quickley. points, ouais. Obi qui a pu avoir ses minutes et qui a pu scorer. Et puis Brunson qui a fait du Brunson. Donc voilà. Donc 4 joueurs à 20 points sur un match, c'est quand même à noter. Forcément, l'adversaire était prenable, était aussi moins défensif. Donc voilà. Et c'est sur ça, sur ce 4-0, une semaine complètement invaincue, que les playoffs sont dans la poche. Est-ce que tu as vu juste la dernière line-up qui avait enfin, les Oui, derniers quatre oui. joueurs qui ont mis 20 points chacun. C'est Moutier, Alors, Dodson, et j'oublie les deux autres, je sais plus, Kevin mais voilà. Knox. Kevin Knox, waouh. Et le quatrième? Et qui était le quatrième du coup? tu as dit Dodson, Moody, Knox et le dernier. Merde, j'ai vu en plus Ah, on la l'a plus. stat. Je l'ai vu et je me suis dit, C'était ah ouais. 70 18 ou 2018-2019, enfin c'est voilà, c'était reconnaissant d'avoir un Nox dans cette Une autre époque, une autre époque, une autre époque, clairement. Voilà, donc une Oui, semaine de donc je 4-0. ouais, juste je voudrais revenir justement sur cette semaine sur le rôle de Hartenstein, 2 minutes. Je trouve que Thibodeau s'en sert maintenant, il s'en sert plus comme dans le jeu en voulant le calquer sur le jeu de De Mitch Robinson. Robinson. Il le laisse en jeu, c'est-à-dire au poste haut, un meneur pivot poste haut. C'est-à-dire qu'il est quand même plus impliqué dans les phases offensives, un peu justement comme le faisait remarquer Kevin, qui écrit des articles notamment pour le blog, qui ben, à la Joakim Noah quoi, des Bulls des années 2000 quoi. Un C'est-à-dire pivot passeur. un pivot passeur, un pivot qui a des mains, un pivot qui sait faire des choses. Et c'est vrai que ben, il fluidifie le jeu offensif et c'est flagrant. On le voit jouer, on le voit. Je veux dire, il se trouve très bien. Il y a une vraie relation avec Josh Hart. Il arrive à trouver des mecs en backdoor. Il arrive ou en pick and roll. Je veux dire, il fait des bonnes passes. Il arrive vraiment à être bien présent. Et défensivement, c'est plus le même bonhomme qu'en début de saison. On avait l'habitude de dire, Ah, il y a du contre, il y a du effectivement, contre. il y a du contre, il y a du rebond offensif, même si il le volaye, mais n'empêche qu'il ben, le volaye quand t'as un mec ben, justement comme Quickly, comme Hart, qui ont aussi une séance du rebond, qui arrive à les prendre, et ben ça sert énormément parce que ça gêne. Il a quand même un body, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Genre, il est hyper stock. Et Dutch ben on a quand qualitat. même une deuxième. Ouais. Il fait une deuxième partie de saison plus qu'honorable. Et une dernière ligne droite hyper importante. Et je retire tout ce que j'ai dit en décembre où j'étais prêt à l'amener à l'aéroport pour l'échanger. Il a su s'imposer, en tout cas, il a su me faire l'apprécier. Et comme je disais ce matin sur Twitter, il y a des décideurs, si j'en fais pas partie, c'est peut-être pour une raison précise. Eux ont vu des choses sur Georges Char, sur Artenstein. Et force est de constater qu'ils ont eu raison, puisque ça s'est mis en place tout doucement. Mais à la fin, en fait, Artenstein, c'est une très belle prise. Et moi, je l'apprécie énormément quand il est sur le terrain. Il amène autre chose que Mitchell Robinson. Genre, les deux se complètent. Mitchell Robinson, c'est vraiment de la défense et du rebond exclusivement. Faut pas lui demander autre chose. Artenstein, lui, ça va être un peu plus fin. Ça va être plus de la passe, plus de playmaking. Mais à côté de ça va être aussi un mec, ça va pas être un défenseur là, Mitchell Robinson, mais ça va être un mec qui va gêner quand même parce que il bouge moins vite que Robinson, mais il a quand même une certaine mobilité, il met des contres importantes. Je veux dire, contre Miami, sa fin de match contre Miami est hyper solide. Donc Hartenstein bien, et Thibodeau a su se replacer, se recentrer par rapport aux joueurs qu'il avait. Et à la force, il fait jouer Artenstein comme Robinson, alors que c'est pas son jeu, il a jamais joué comme ça. Et ben, il a su, soit il a su écouter les conseils S'adapter. de ses adjoints, soit c'est peut-être Artenstein qui est venu le voir en disant, ben, moi coach, je suis peut-être plus à l'aise comme ça, comme si, enfin, quoi qu'il arrive, il y a eu une évolution dans le bon sens, puisque ben, désormais, en fait, Artenstein, on utilise sa force principale en attaque et ça fonctionne, donc super, bravo. Effectivement, un joueur en forme, un joueur qui a mis un peu de temps à s'adapter à sa nouvelle équipe, ce qui est normal. À un moment donné, il faut aussi pas prendre les joueurs pour des robots. C'est pas parce que voilà, on déplace un joueur que tout de suite il retrouve ses automatismes. Il y a un peu un temps d'adaptation. Il y a eu un temps d'adaptation la saison dernière avec Evan Fournier, avant qu'il trouve vraiment son rôle. Là, il y a eu un temps d'adaptation. Les joueurs qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation, c'est plutôt des exceptions. On pense à Jalen Brunson, on pense à Josh Hart, mais voilà, Isaiah Hartenstein a mis un peu de temps. J'étais pas hyper fan non plus au début de sa saison, mais force est de constater qu'il apporte du QI basket, qu'il apporte un passing game, qu'il a cette combativité aussi, et franchement c'est très très bien. C'est un profil qui est différent, qui est complémentaire avec le profil de Mitchell Robinson, et en fonction des mismatchs, en fonction des oppositions, en fonction des dynamiques de match, on va utiliser l'un plutôt que l'autre. Donc ouais, très clairement, c'est un élément positif et qui permet d'avoir cette bonne dynamique. Et donc c'est 4 victoires cette semaine. Voilà, Isaiah Hartenstein l'a pas volé. Nous, on n'avait pas vu autant de victoires cette semaine. Mais tant mieux, c'est une saison de série. Il y a eu des séries de victoires, il y a eu des séries de défaites. J'espère que la suite Est-ce que va t'as vu plutôt bien se passer. la stat sur le mois de mars? Ça Oui, les faisait histoires, c'est trois que des séries. victoires, trois défaites, trois victoires, trois défaites, trois victoires. Et donc là, vous venez de finir trois victoires. Et donc, ben, je me suis dit, bon, Ça va ben, être on trois va attaquer une défaites. série de Aïe. trois défaites, surtout au même moment. Et puis non, on a Aïe, aïe, gagné, aïe. on a brisé le signe. C'est bon. Allez, La ligne droite maintenant. transition est parfaite. Il reste plus que 3 matchs à jouer. On n'est plus au mois de mars. C'est fini. On est passé au mois d'avril. Pas de blague. Donc est-ce que là maintenant, ça va être 3 défaites ou 3 victoires? Et moi, je te propose qu'on en parle tout de suite et qu'on regarde ce qui s'annonce sur la dernière semaine de la saison régulière des Knicks. On regarde ça? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On regarde ce qui arrive pour la toute dernière semaine des La dernière Knicks. semaine de saison régulière. C'est Tipper. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la dernière semaine de la saison régulière. Ça passe vite, 82 matchs. Et voilà les trois derniers. Bon, les trois derniers, le programme, ça devrait aller quand même. Ça devrait aller. Pourquoi? Parce que il y a quand même deux matchs à l'extérieur. À voir, à voir. Mais pour commencer, dans la nuit de mercredi à jeudi, un déplacement aux Indiana Pacers qui ne sont plus vraiment en course pour cette histoire de play-in. Donc voilà, est-ce qu'ils vont avoir envie de reposer des joueurs pour ne pas blesser des joueurs? Est-ce qu'ils vont avoir envie de finir sur une bonne note? À voir. En tout cas, c'est un adversaire qui est historique avec les Knicks. Bon, à voir en tout cas. Pourquoi pas le Tyrese Haliburton qui voudrait faire un petit peu marquer les esprits face à un Jalen Brunson en vue d'un titre de MIP. Bon, il y aura peut-être un match dans le match, mais en tout cas, voilà, ça c'est la première affiche Un Ben de la Mathurin semaine. peut-être pour le... Pour le rookie de l'année, Pour même si rookie c'est de joué avec l'année. Banchero, mais. Ouais, ça va être un peu tard maintenant pour marquer les esprits, où il va vraiment falloir faire de gros cartons sur la toute dernière semaine. En tout cas, voilà, ça c'est le premier match de la semaine. Derrière, un petit déplacement, on descend un peu au sud, on se dirige vers la Louisiane, si je dis pas de bêtises, au niveau des États-Unis. Et direction le petit nid des Pélicans. Nola, dans la soirée de vendredi à samedi. Le Friday Night Knicks qui se jouera à l'extérieur, donc c'est encore un match à l'extérieur. Est-ce que Zion va jouer? Ah, parce que Zion il est en réévaluation depuis un bon moment. Eux sont un peu dans la dernière run, un dernier push pour faire les playoffs, pour faire le Et ils sont play-in. en feu. Ils sont en feu, ils jouent très bien. Attention à Brandon Ingram qui est toujours très bon. Un CJ McCollum, un José Alvarado qui est toujours là pour piquer des ballons. Bon, c'est un effectif qui est assez athlétique, qui est assez jeune, qui est assez talentueux. Ils ont une saison compliquée. Ils avaient plutôt très bien démarré. Ils étaient premiers de la conférence Ouest à un moment même, lorsque Zion était encore en état de jouer. Après, ils ont Ils une sont grosse 7e ou 8e, dégringolade. hein? Ils sont 7 ou Voilà, 8e. ils sont à la lutte. Et voilà, en tout cas, il va falloir bien se Ils peuvent positionner encore pour jouer eux. la place en playoff, à la place en playoff direct, hein? Donc c'est Ouais, à l'heure où pas. on enregistre, la conférence Ouest est ultra disputée. Et une victoire, une défaite, et voilà, le classement est tout chamboulé. Donc voilà, eux n'auront pas intérêt à jouer par-dessus la jambe sur ce match-là. Donc ça risque d'être un match, entre Ah guillemets, non. assez disputé. Donc il faudra se méfier de ce déplacement à Big Easy, à Nola, chez les Pelicans. Et puis pour finir, retour à la maison. Dernier match dimanche soir. Donc ce sera un match qui sera à une horaire plutôt intéressante pour nous francophones, puisque ce sera un match qui aura lieu à 19h. Et à 19h, vous savez ce qu'on fait, je vais en reparler juste après. Et là, ce sera un match au Madison Square Garden. On retrouve les Pacers, donc deux fois les Pacers dans la semaine. Là, l'ultime match, surtout ne pas se blesser, finir sur une bonne note, ça pourrait être pas mal, parce que derrière, les Knicks n'auront pas l'avantage du terrain en playoff, c'est certain. Donc voilà, un petit retour à la maison. On finit sur une bonne note, c'est la soirée, c'est le Fan Appreciation Game Day. Donc voilà, il y aura les petites signatures, il y aura les petits moments À avec la les fin fans, du ça sera match, ouais. sympa. À la fin du match, on se fait des bisous. Donc c'est mieux de finir sur une bonne note, de finir sur une victoire. L'année dernière, ça s'était terminé sur une victoire. Je crois que c'était les Wizards, non, ou les Raptors, où il y avait eu le fameux match de fou de Toppin, le Oui. triple-double de IQ. Donc là, voilà, il y aura des joueurs qui auront peut-être du temps de jeu, qui n'en ont pas d'habitude. Est-ce qu'on va revoir Evan Fournier jouer? Est-ce qu'on va voir Derrick Rose jouer? L'objectif, c'est surtout pas se blesser, c'est de se faire plaisir et de finir sur une bonne note. Donc trois matchs cette semaine, petite semaine, avant les choses très très très sérieuses. Deux matchs à l'extérieur, un match à domicile. Bon, moi je te l'annonce tout de suite, hein, je vais pas tourner autour du pot. Je vois un 2-1 cette semaine. Un 2-1. Les deux victoires seront contre les Pacers et je ne sais pas pourquoi contre les Pelicans. Voilà, on va laisser filer ce match-là. Donc voilà, c'est mon prono 2-1. Je fais simple, je fais court. On va pas enchaîner 7 victoires avant d'arriver en playoff. Non, la série va pousser jusqu'à 5. Un petit arrêt et puis on relance la machine contre Indiana avant d'autres choses. Voilà mon prono. Toi, comment tu vois cette semaine? Ben, paradoxalement, les équipes qui jouent plus rien ou quoi que ce soit, on a un peu du mal à les manœuvrer. Je sais pas si parce qu'elles jouent avec la force du désespoir et puis ça rentre, elles jouent bien et ça marche. On l'a vu hein, cette saison, notamment sur les derniers matchs contre Charlotte, contre Orlando. On s'est fait peur jusqu'au bout contre bah hier soir, j'ai perdu le nom de l'équipe, pourtant on Les a Wizards, discuté de les Washington. Wizards, voilà. Pourtant, l'équipe jouait avec plus personne, et pourtant, on s'est fait peur jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai peur d'un, je vais te dire, d'un 1-2. Ouh, J'ai aïe. peur d'un 1-2, ouais. J'ai peur que là, on prenne deux défaites coup sur coup, consécutives, là, bam bam, qu'on perde à Indiana et qu'on perde contre les Pélicans, parce que, comme tu dis, eux, il faut absolument qu'ils gagnent. Et qu'on prenne donc le dernier match. Mais en fait, si tu veux, c'est paradoxal parce que je pourrais dire un 1-2, mais je pourrais dire un 0-3 aussi. Oh là là, Ben, non, non, non, non, non, non, non, non, attends, attends, attends. attends, attends, attends. Interdiction, ça. En plus, c'est une viewing qui... party dimanche. Mais c'est pas moi qui décide. Tu me poses un prono. Moi, je te donne mon raisonnement et je te donne ma pensée. C'est certainement pas la bonne. C'est certainement pas la vraie. C'est peut-être pas ce qui va se passer. C'est ce que j'espère pas qui va se passer. Et c'est un 0-3 là. Qui peut se poser. Oui, bah c'est pas parce que je suis un Knicks fan que j'ai des yeux. On est champion, non. Mais c'est vrai que si on attaque les playoffs en ayant dans le perdu sens où, avant. Ouais, bah je sais. Mais tu vois, par exemple, si parce qu'on ne joue pas, on sécurise cette cinquième place. Ouais. Est-ce que ça va être dans l'intérêt de faire jouer 40 minutes à notre roster principal au risque d'arriver diminué sur les playoffs? Je suis d'accord avec toi sur le principe du arriver avec des défaites. C'est pas le bon mood parce que la dynamique, elle est pas là. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Moi, j'ai peur d'un certain relâchement, que ce soit du côté... Alors, le staff, non, je vois pas Thibodeau relâcher. Mais je vois quand même peut-être un peu plus ouvrir sa rotation, distribuer un peu plus ses minutes, comme tu dis, peut-être... Voir plus du Evan, plus du D-Rose, peut-être plus de McBride, plus de Sims. Dans le cas, en fait, où on venait qu'à sécuriser cette cinquième place... La quatrième, on sait qu'elle est devant, elle est foutue. Maintenant, c'est trop loin et c'est trop tard. Derrière, il nous manque plus grand-chose pour qu'on soit calé au chaud dans cette cinquième place. Donc, quel est l'intérêt de jouer toujours à fond et de filer 40 minutes à Brunson au risque de le blesser sur un match qui ne servirait à rien? En face, on a des mecs qui, comme tu dis, n'auront plus rien. Je ne sais pas si Turner, il n'est pas blessé à Indiana, je ne sais plus. S'il n'y a pas Turner, je veux bien qu'on en prenne un des deux. je suis d'accord avec toi que les Pélicans le perdent, mais je te dis, 1-2, voire 0-3, je sais pas. Il faut que tu nous en donnes un, on ne peut pas finir sur un pronostic qui est variable. Est-ce que RJ revient pas? RJ aime bien jouer habituellement contre les Pacers. Donc là, ça serait le bon moment, justement. RJ, bon, t'es un peu malade, tu t'es un peu bagarré cette semaine, t'as pas forcément joué avec un bon niveau de réussite. Et ben voilà, vas-y, RJ. Là, les matchs sont sans enjeu. Bon, fais-toi plaisir. Eh ben, écoute, tu m'as convaincu. Non. Je dis 3-0. Non, c'est le mec. Non. Je vais rester sur mon idée première. C'est un 1-2. On perd le premier match contre Indiana. On perd le deuxième match contre les Pelicans. Mais on gagne le dernier match de la fête à la saucisse au Madison Square Garden parce que c'est la fête, parce que les joueurs voudront finir sur une bonne note, parce qu'on joue le dernier match, on a la chance de jouer le dernier match chez nous. Et donc, je vois ce match victorieux. Donc, on finit sur un 1-2, ce qui nous pousserait à un bilan de... On est à combien là de victoires? Ça fera 46. D'accord. Victoires. Ok, moi je suis monté à 47 du coup avec mon pronostic. Bon, dites-nous en commentaire combien vous voyez de victoires cette semaine. Au final, ce fameux bilan. Je pense que votre pronostic en début de saison, il était loin d'être à 45, 46, 47 victoires. Clairement, voire 48. Oh. On peut monter jusqu'à 48 si on gagne tout. Attention, on peut monter jusqu'à 48. Moi, la cinquième place, c'était même pas une illusion. La sixième aurait été un rêve. La cinquième, j'avais pas du tout pensé. La sixième aurait été un rêve. Moi, j'avais toujours dit que je voyais cette équipe dans un range de 7-8, c'est-à-dire le play-in en fait. Et chapeau les gars, vous avez dépassé toutes les attentes et je pense que beaucoup de Knicks fans voyaient cette équipe en play-in dans un range de 7-8-9, allez 7-8, on va être gentil, 7-8, peut-être plus du côté des 8. Beaucoup d'équipes ont déçu, beaucoup d'équipes n'ont pas réussi en fait à passer le cap. Je pense qu'on a fait, mine de rien, un très bel été. Et les équipes qui ont fait un bel été sont là-haut. Cleveland a fait un bel été et là-haut. Nous, on a fait un bel été, c'est là-haut. D'autres équipes sont peut-être passées à côté de leur été et payent un peu maintenant les pots cassés. Donc voilà, moi, je n'avais pas pensé qu'on irait même aux 46 victoires. Enfin, ou 47, ou 46, ou 47, non. Moi, j'aurais déjà être à l'équilibre et être aux 8e place pour moi, ou 6e, 7e place, c'était très bien. Ça a dépassé toutes les attentes. Donc, chapeau. Et maintenant, bah, il reste plus qu'à finir. Bah, voilà, c'est 82 matchs. On les a suivis depuis fin octobre. Ça se finit là La maintenant. dernière ligne droite, la dernière ligne droite. Fin avril, quelle aventure! Et puis, bah, il y a une nouvelle aventure qui va s'ouvrir après, bah, avec la page des playoffs. Mais en tout cas, ils ont fait une super saison et ils nous ont bien, bien fait kiffer cette équipe. Cette équipe restera dans les mémoires parce qu'il y aura eu de très beaux matchs face à de sacrés concurrents. Et on a su à un moment donné mettre un sacré coup de collier. Et voilà quoi. Donc finissons bien. Je sais que le 1-2, c'est pas ouf. Mais finissons bien. Et puis, on n'a rien à perdre en playoff. Tout à fait. Comme tu le dis, la saison est déjà réussie. Essayons de la terminer sur une bonne note sur cette saison régulière. Les playoffs, c'est un autre jeu, c'est un autre game, c'est d'autres positions. Quoi qu'il arrive, c'est du bonus. On verra, on aura l'occasion d'en reparler en fonction aussi des adversaires. Est-ce que ça va être les Cavs? Est-ce que ça peut être autre chose? On va le savoir très vite maintenant. Il reste 3 matchs cette semaine. Les playoffs sont, quoi qu'il arrive, assurés. Essayons d'arriver dans le meilleur état de forme possible. On sait que Jules va devoir revenir. Mais voilà. On voit déjà, parce que ça ne traîne jamais, des rumeurs à droite à gauche. Il y a eu Kevin Garnett qui a parlé des Knicks. Pourquoi? Pourquoi Kevin Garnett, tu parles des Knicks? Parce que il se dit, oui, j'aimerais bien que Damian Lillard vienne jouer au Garden. Bah bien sûr, tout le monde aimerait que Damian Lillard joue au Garden. Mais bon, il y a une réalité en NBA, il y a des contrats, il y a des clauses, et c'est Moi, compliqué j'aimerais de pas que réaliser ce son genre de trade. contrat d'Amel Lillard joue au Garden. On va voir, hein. Chaque chose en son temps. En tout cas, les rumeurs arrivent déjà. Il y a déjà des Photoshop. En veux-tu, en voilà. On sait que l'intelligence artificielle fait aussi de belles choses. Mais voilà, pour l'instant, la priorité, on le sait. L'actualité, on le sait. C'est quoi? C'est les playoffs. On profite de la fin de saison. Mais On si, apprécie la post-saison. Et on verra mais si je peux faire l'intersaison quand ça va arriver. si je peux faire une petite digression, justement sur bah, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ça ne nous concerne pas, puisqu'on n'y est pas en play-in. Mais on a quand même à l'Est quatre grosses équipes en play-in: Miami, Atlanta, Toronto, Chicago. C'est énorme. C'était Attends, des attends, équipes attends, qui. attends, attends. Atlanta, c'est pas une grosse équipe. Déconne pas, c'est quand même une grosse équipe et ils ont fait un recrutement gros cet été avec Dejounte Murray. C'est une équipe qui est allée en playoff, qui nous a battu. C'est une équipe qui Ouais. compte à l'Est. Bref, c'était quatre équipes qui normalement devaient jouer les peut-être pas les tout premiers rôles parce qu'on a Milwaukee et Boston qui ont survolé la scène avec Philadelphie, mais qui devaient être à notre place, qui devaient être à la place de Brooklyn, enfin Brooklyn, nouvelle version, mais ou peut-être même à la place de Cleveland, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était ces quatre équipes-là. On savait qu'il y avait une meute qui s'était formée derrière les trois gros, les trois puissants de l'Est et qui allait se tirer la bourre toute la saison. Et là, il y en a deux qui vont y rester sur le carreau. Et après, les deux autres n'auront pas une match-up favorable parce que soit tu prends Milwaukee, soit tu prends Boston. Boston ou Choisis Philadelphie, de quoi tu veux. c'est pas forcément Voilà, cadeau. tu préfères quoi, le La couteau dans la peste ou le choléra? cuisine ou la corde dans la penderie, tu vois. Enfin, on joue au Cluedo là. Donc c'est pas dingue. Mais tu as quand même deux équipes qui vont rester sur le carreau. À voir cet été comment ça va se passer. À voir comment ça se Effectivement, il passe y aussi a en ouest. beaucoup Parce qu'on sait déjà très bien que là, de. on a une équipe de Dallas qui est en train de sombrer. Donc, à voir, nous, on est bien dans notre petit bateau, on a mené notre barque, on a bien travaillé, et j'espère juste qu'on continue à faire ça. Je pense que Leon Rose, il a compris ses erreurs de l'été 2021, et que maintenant, voilà, on sait quel joueur Tibbs a besoin, on sait comment il joue, on sait quel il aime mettre en place. Donc, ben, donnons-lui le matos, parce que c'est un super coach. Parce que ben, en 3 ans chez Linux, il nous a mis 2 fois en playoff. Ça n'a pas été donné à tous de faire ça. Mais à l'Est, il va y avoir du changement. Et moi, j'ai hâte des play-in parce que ça va Ah, être une sacrée bagarre. Ça va j'ai être envie une de dire grosse bagarre, les filles. malheur aux perdants. Et Ouh. justement, dans ces perdants-là, il y a peut-être des projets qui risquent d'exploser. Et Ouais. du coup, dans l'été, il y aura peut-être des opportunités. On verra. Chaque chose en son temps. Mais clairement, il vaut mieux être positionné là où sont les Knicks aujourd'hui, vis-à-vis du Et projet, le prix va vis-à-vis être ça, le prix va être la sympa. dynamique. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Bon, et au rayon des choses qui vont être sympas, parce que voilà, on en a parlé. On termine les affaires en beauté. Cette saison au niveau de l'association a été très belle avec deux voyages associatifs. Prochainement, vous découvrirez la vidéo du voyage de Los Angeles, bien sûr. Elle est en cours, hein, elle est en cours. Il y a déjà la vidéo du voyage de New York. Mais voilà, on essaye de terminer les choses de la bonne façon avec The Last Viewing Party. Celle de la saison régulière. Oui, peut-être, on le dit bien, peut-être il y aura une viewing party. Pour les playoffs, ça va dépendre du calendrier, parce que vous le savez, on ne peut pas, on n'a pas la capacité de faire des événements en nocturne par rapport au lieu qui nous accueille. Mais là, donc profitez-en, 9-4, dimanche 9 avril, venez nombreuses et nombreux pour passer un bon moment, pour se retrouver, pour refaire le monde ou pas, pour se projeter sur ces playoffs, pour parler des joueurs de l'équipe et autres. Bref, passez un bon moment entre Knicks fans. Entre amoureux de la NBA, tout simplement, parce que oui, c'est bien beau de s'appeler Knicks Nation France, mais on ouvre nos portes, on est comme ça, on est généreux, on ouvre nos portes à tous ceux qui veulent passer un bon moment avec nous. Donc l'entrée est gratuite, c'est au Hideout, on a un espace qui est réservé, et on compte sur vous tous et toutes pour venir passer un bon moment. Et puis, à l'occasion, si vous avez des tenues Knicks fan ou fashion à venir. Essayez pour cette soirée, c'est le moment. On a eu l'occasion de voir du IQ, du Obi-Toppin, enfin bref, comment il s'appelle, Tracy Morgan aussi avec des potes rouges. On a vu de drôles de choses ces derniers temps. On ne juge pas, chacun vient habillé comme il veut. Mais voilà, sortez vos plus beaux tissus pour cette occasion, pour cette dernière viewing party de la saison. Encore une belle saison au niveau de l'association. On tient à tous vous remercier pour votre participation aux différents événements, sur les réseaux sociaux aussi. Vous êtes nombreux ici sur cette chaîne YouTube. Vous êtes aussi nombreux à voir nos vidéos, à lâcher des pouces, à faire des commentaires. Ça fait chaud au cœur, ça donne envie de continuer. Et cette saison, on a passé une super saison régulière. Maintenant, c'est que du bonus. Voilà, on a kiffé et on va essayer de continuer de kiffer encore un peu, hein, tout simplement. Bon, c'est ainsi que va se boucler ce 51e épisode de 51, je Avenue t'aime. 51, je t'aime. Hein. Je sais pas si on aura 51, mais voilà. D'ici là, on vous souhaite une bonne dernière semaine de saison régulière. On vous donne rendez-vous très bientôt pour parler playoff. Guettez les réseaux sociaux. Il y aura peut-être du podcast aussi. Je sais pas. Ça fait un petit moment. Et puis je vais vous dire qu'il y avait des choses qui se préparaient. Bref, restez à l'affût parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent sur la planète Orange and Blue et sur la planète KNF. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bah, encore une fois, on va le dire, let's go Knicks! Allez, Let's go ciao ciao! Knicks! Bonne semaine à tous et à toutes, et à très bientôt! À bientôt, Seb! À très bientôt! Ciao ciao!